Donc Alice Laurent Camena de l'Université de Rennes 2, je suis en thèse en sociologie. Je vais faire une présentation qui s'appuie donc sur mon travail de thèse et qui s'intéresse aux différentes masculinités mises en jeu dans le monde de l'art des musiques électroniques que j'étudie donc. Donc quand je commence fin 2020 mon terrain de thèse, un des premiers constats lorsque je commence mes observations est que la question de la, pour citer les termes employés sur le terrain, la question de la place des femmes, elle est relativement présente dans ce monde de l'art. C'est un investissement thématique qui se donne à voir, par exemple, dans la multiplication de tables rondes, notamment suite à la réouverture après la période de Covid, qui se donne également à voir dans un ensemble assez large d'articles dans la presse spécialisée, etc. Et cette question de la focalisation sur la question de la place des femmes, c'est quelque chose que je retrouve aussi bientôt dans les différents entretiens que je mène avec des artistes de cet espace-là, notamment des femmes, dont certaines me pointent d'ailleurs très rapidement l'envers de cette mise en visibilité, qui est que des intervieweurs vont bien souvent leur poser des questions sur leur vécu en tant que femme dans ce milieu, plutôt que de se concentrer sur leur travail artistique en tant que tel. À l'inverse, dans les discours médiatiques, les références directes et explicites aux hommes ou aux masculins sont très rares, ce qui est assez logique puisqu'en général, la majorité n'a pas besoin de se dire. Du côté de la littérature qui s'intéresse à ce monde de l'art, notamment la littérature anglophone, on note aussi, enfin en tout cas je note, l'absence de travaux, on va dire, centrés sur les masculinités dans cet espace. Les rapports de genre sont avant tout envisagés à partir des expériences féminines, ce qui à nouveau est assez logique et normal dans un mouvement. Donc j'ai notamment ces différentes chercheuses dont les travaux sont fondateurs et qui, dans un mouvement en fait visant à renverser les approches androcentristes de ces musiques, voilà, se focalisent sur la question des femmes et de leur vécu dans cet espace. Alors, sans rentrer trop dans les détails de ces travaux, ce que ces chercheuses ont notamment pointé, c'est à la fois l'assignation des artistes féminines dans les musiques électroniques à certaines esthétiques qui seraient supposées typiquement celles des femmes. Elle pointe également les rapports au corps sexualisé et hétérosexualisé des femmes sur scène dans ce monde de l'art, ou enfin la dimension genrée des outils en présence. Donc là également, la masculinité, quand elle est abordée dans ses travaux, elle l'est principalement donc à partir des expériences féminines et également en envisageant la masculinité au singulier. Et en fait, ce que je vais proposer ici dans cette communication, c'est de donc partir de ce point de départ empirique et de cette littérature, mais en supposant en fait la pluralité des masculinités qui sont mises en jeu dans cet espace professionnel. Donc je vais m'appuyer notamment sur le cadre théorique qui a été développé notamment par Aywin Connell dans le champ des Masculinity Studies, qui est un cadre théorique particulièrement utile parce qu'il permet de penser les masculinités pas comme des identités en fait, des individus, mais comme des configurations de pratiques, c'est-à-dire des pratiques routinières, quotidiennes, que les individus réalisent ici au travail. Ce qui permet également d'envisager la manière dont les masculinités ne sont pas innées, mais elles s'apprennent par le biais de socialisation notamment. Elles sont le produit d'environnements qui sont localisés. Donc dans le cas qui nous intéresse ici, en fait, un monde de l'art qui est aussi traversé par des normes, des attentes, des contraintes. Et enfin, les masculinités peuvent muter, se transformer au sein de ces contextes, et notamment en fonction de contextes politiques, on pourra en discuter. C'est sur ce point que je vais terminer ma présentation. Un autre point qui est quand même assez essentiel, je trouve, à pointer quand on s'intéresse aux masculinités, c'est que celles-ci, elles sont raccrochées au rapport de genre inégalitaire qui structure ces espaces. C'est-à-dire que les masculinités se construisent à la fois en opposition et en relation au féminin, de manière hiérarchique, mais que, et c'est tout l'intérêt d'avoir une approche des masculinités au pluriel, on a aussi des hiérarchisations au sein du groupe des hommes entre différentes masculinités. Et c'est dans ce contexte qu'on peut se demander, quand on étudie un espace particulier, quelle est la version, la modalité qui est socialement valorisée de la masculinité? Qu'est-ce qui va être attendu, notamment des hommes dans cet espace, et comment est-ce que ça participe à reproduire des hiérarchies entre hommes, mais aussi vis-à-vis des femmes? Alors, concernant ma méthodologie, je ne vais pas rentrer trop dans les détails et garder peut-être ces éléments pour la discussion, mais je m'appuie sur une ethnographie de 3 ans que j'ai réalisée auprès d'environ 80 artistes de musique électronique, pour moitié d'hommes et de femmes. Et donc, je vais particulièrement m'appuyer ici sur la quarantaine de profils masculins que j'ai pu suivre de manière répétée au travail. 24 d'entre eux ont également été rencontrés dans le cadre d'entretiens biographiques longs visant à retracer leur carrière. Voilà, donc des individus âgés de 23 à 54 ans, pour la plupart issus des classes moyennes, urbaines, en tout cas ayant grandi plutôt à proximité ou dans une grande ville, très majoritairement hétérosexuels et plutôt diplômés. Voilà pour quelques éléments sociodémographiques un peu généraux. Donc un premier élément, une première partie, ça va être d'identifier quelle est la modalité justement socialement valorisée de la masculinité dans cet espace professionnel. Et elle se centre en fait sur deux éléments, il s'agit de maîtriser et de se maîtriser. Alors d'abord de maîtriser les outils et la foule. Quand on est artiste de musique électronique, il s'agit de faire preuve tout d'abord d'une certaine maîtrise technique. Donc que ce soit au platine ou en musique assistée par ordinateur. Dans le cas des DJ sets qui se déroulent donc dans un club, un festival spécialisé, cette maîtrise s'applique aussi à l'état discographique du monde de l'art, c'est-à-dire de savoir sélectionner finement quelles sont les œuvres qui conviennent à être diffusées à un instant T devant un public, en fonction du contexte, de ce qui se passe sur la piste de danse. Donc ces attentes professionnelles, évidemment, elles pèsent sur les hommes comme sur les femmes. Mais en fait, lorsque les femmes, elles vont tenter d'incarner ces tenants de la maîtrise, l'exercice va leur être rendu plus difficile pour tout un ensemble de raisons et de processus. Elles vont notamment, elles peuvent en fait tour à tour être alors soit renvoyées à une forme d'exceptionnalité lorsqu'elles font preuve de maîtrise. Je pense à cette enquêtée qui est réputée par ses pairs comme étant fine technicienne, à qui on va dire par exemple, elle est vraiment forte, elle gère, pour reprendre les termes du terrain, pour une femme. À l'inverse, les collègues masculins peuvent aussi considérer que la dimension technique va moins intéresser leurs collègues féminines. Là aussi, pour donner juste un exemple, un duo mixte du point de vue du genre qui vient de sortir de scène, qui est accueilli par un collègue plus établi, plus âgé, qui va les encourager, c'était super. Et en fait, avant de commencer à rentrer dans les détails de ses retours, va se tourner vers la membre féminine du duo pour lui dire « Non mais par contre, pour les histoires de mixage, j'ai embêté ton collègue masculin avec ça, toi t'inquiète, juste kiffe, profite de ce moment. » Ça se dit aussi dans ces micros à interaction. Et enfin, les femmes peuvent être renvoyées à ce qui est vécu comme un inéluctable retard de niveau technique, comme cette enquêtée, par exemple, qui me raconte en entretien que, grâce à certaines évolutions technologiques, notamment le passage des platines vinyles aux platines numériques, les femmes auraient désormais plus accès au métier, ce serait plus facile pour elles désormais, mais que par contre, en musique assistée par ordinateur, du côté de la composition des œuvres, c'est encore, et là je le cite, difficile de trouver des femmes qui soient au niveau. Donc, la maîtrise dans cet espace professionnel est encore globalement genrée au masculin. Les femmes sont également fréquemment renvoyées à leur corps, jugées soit trop ou trop peu sexualisées. Je vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui traverse mon terrain de thèse, ce double standard et cette idée relativement admise que les femmes useraient de leur corps comme d'une sorte de concurrence déloyale. Mais une fois qu'on a dit ça, ça nous permet de regarder aussi les corps en fait, des artistes masculins sur scène. Globalement, les enquêtés que j'ai suivis consacrent très peu d'efforts à leur présentation vestimentaire. Néanmoins, en fait, la question des corps et la manière dont les masculinités s'y inscrivent est assez éloquente. En effet, la masculinité électronique qui est dominante, valorisée socialement, c'est aussi celle d'une maîtrise corporelle de soi, à distance d'une première figure repoussoire, qui est celle du DJ de boîte de nuit spécialisée. Donc, pour vous placer un petit peu le cadre, l'univers des boîtes de nuit dites mainstream, c'est un espace dont le monde de l'art des musiques électroniques se tient historiquement fortement à distance. Et en fait, le DJ non spécialisé qui est associé au stéréotype assez mouvant du beauf. Donc c'est des termes que je cite à nouveau et qui sont revenus régulièrement sur le terrain. Il incarne à la fois un manque de maîtrise dans sa sélection musicale, mais aussi un repoussoir corporel. C'est par exemple ce que va évoquer Damien, donc c'est un DJ de 27 ans qui est lui plutôt situé, qui est assez peu inséré dans cet espace professionnel. S'il faut, moi je cringe d'autres gens, je suis le mec gênant pour d'autres gens parce que je suis torse nu sur scène, je peux carrément l'entendre. Il y a des gens, ils doivent voir mes posts et se dire oh, « mais c'est quoi ce vieux beauf, toujours torse nu à jouer du Fort Boyard ?» Donc dans son cas, les deux dimensions se trouvent liées, à la fois un goût musical douteux rattaché en partie aux classes populaires et aussi une masculinité dénudée qui renvoie à une virilité finalement assez dévaluée. D'ailleurs, sur la question de la nudité, les pistes de danse sont des lieux où des individus du public se mettent fréquemment torse nu. Quelques artistes internationaux en ont fait une marque de fabrique. Mais du côté des pratiques ordinaires, cette présentation elle est considérée comme peu adaptée, voire même comme vulgaire. Puisque plus largement, il s'agit d'éviter toute effusion derrière les platines qui renverrait là aussi à l'univers de la boîte de nuit catégorisée comme « mainstream ». Et à la figure, une autre figure de virilité dévaluée qui est celle du, je cite, DJ tout le temps les bras en l'air, donc sous-entendu une effusion et en plus qui n'est pas concentrée pleinement sur la maîtrise de ses outils techniques, son contrôleur ou que sais-je. À l'inverse, mesurer ses mouvements, danser de manière retenue mais non moins dynamique, renvoie à un style valorisé de masculinité. Il s'agit donc pour les hommes de bien présenter et même de bien se tenir, sans paraître trop féminin, évidemment, mais aussi sans paraître trop viril. Alors, il s'agit aussi de se maîtriser, un autre tenant de la maîtrise, c'est de se maîtriser en tant que professionnel. Donc, c'est un milieu professionnel, ce monde de l'art, qui se déroule et qui s'articule autour de sociabilité particulièrement informelle. Et les loges artistiques, les backstage, sont de ce point de vue des lieux privilégiés d'observation de cette informalité, puisque ce sont donc des espaces fonctionnels, on y pose ses affaires, des espaces de rencontres professionnelles, on va y négocier éventuellement des dates à venir, mais ce sont aussi des espaces de franche camaraderie, où on peut observer ces masculinités en pratique. Déjà, de manière quantitative, ce sont des espaces qui sont majoritairement occupés par des hommes, mais d'un point de vue symbolique, ce sont aussi des espaces où il est attendu que les individus, hommes comme femmes, y interagissent sur ce mode d'une masculinité plutôt maîtrisée. Donc là, un extrait d'entretien d'un enquêté qui me raconte une fois où il s'est retrouvé en loge, majoritairement entouré de femmes. Donc il me fait « Pour la première fois, c'est pas moi que t'entendais. Et les nanas, en fait, ça parle comme des mecs, si on peut dire ça. » C'est un peu une manière de parler, tu vois, on parle comme ça, on parle tac-tac. C'est ce que j'aime. Tu n'es plus face à une femme, tu es face à quelqu'un. Donc, sachant que j'étais présente aussi durant l'observation, j'étais en observation durant la soirée en question. Ce qui me permet aussi de... C'est pas que des discours de sa part, ça renvoie aussi à des pratiques de masculinisation des artistes féminines. Donc, dans ce cas-là, ce sont aussi les sujets de conversation de ces femmes, la manière dont elles vont occuper l'espace sonore qui les font basculer du côté du masculin, mais toujours de manière incomplète. Hein, c'est aussi le propre de la masculinité. Mais par contre, si les sociabilités, elles sont attendues à nouveau comme à distance d'une certaine féminité, elles sont construites en contre d'un autre poussoir qui est la figure récurrente du membre ivre et masculin du public. Puisqu'il s'agit à la fois de tenir pendant toute la nuit, de gérer ses consommations d'alcool. Et donc, c'est un point qui rend visible les apprentissages en matière de masculinité. Ce que me raconte notamment cette enquêtée en cours de professionnalisation. Donc, je ne vais pas lire tout l'extrait d'entretien pour des raisons de temps, mais il me raconte qu'il avait des mauvaises habitudes. Il venait de la campagne. Donc, on voit aussi la manière dont les relations entre urbains et périphériques jouent dans la construction de cette masculinité valorisée. Il me raconte qu'il se mettait le plus ivre possible. Finalement, qui se mettait minable, pour reprendre un terme qui arrive plus bas, dans l'entretien, ce qui n'était pas approprié. Puisque quand il arrive dans cet univers professionnel, il doit apprendre non plus à interagir dans cet espace comme un membre du public, mais vraiment comme un aspirant professionnel. Donc là aussi, c'est un espace qui est tissé de paradoxes, puisque finalement, les artistes boivent ensemble. Les préférences en termes de boissons sont même renseignées sur les documents professionnels que sont les fiches techniques des artistes, mais il s'agit de le faire de manière extrêmement contrôlée dans l'espace du club. Et Alors un autre extrait d'entretien que j'aime bien, c'est celui d'un artiste qui a terminé sa carrière, qui a quitté le milieu dans des circonstances qu'il évoque comme étant, je le cite, douloureuses. Et dans son cas, cette distance entre une masculinité de la maîtrise de soi et qui se maîtrise dans l'espace professionnel et une masculinité dévaluée, renvoyant à la jeunesse, aux étudiants qui sortent, etc., elle en vient à vaciller. Puisqu'il me dit, donc avec un peu de cynisme, cette image de marque du guerriero musical, donc on voit cette modalité valorisée du talent qui connaît finement le monde de l'art, plus de rock, plus machin, mais en fait ça ressemblait à une soirée de BDE où les mecs sont juste là à gueuler, il va boire, il va boire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, les différentes figures repoussoires que j'ai commencé à égrener, donc travaillées par plusieurs rapports sociaux, hein, ceux de classe notamment, ceux d'âge également, liés au statut spécifique éventuellement de l'étudiant, ces différentes figures repoussoires, elles servent aussi pour la mise à distance d'une autre dimension dévalorisée des masculinités dans cet espace, qui est celui de l'individu masculin réputé à l'hétérosexualité, plutôt réputé comme étant conquérante, virile, voire même violente envers les femmes. Donc là, je m'appuie notamment sur les travaux de Laure Bérény et Alban Jacquemart, puisqu'au cours des dernières années, la sensibilité à l'égalité, elle s'est aussi imposée comme un marqueur de hiérarchie sociale, notamment entre hommes. Donc sans rentrer trop dans les détails pour tenir le temps, le monde de l'art tel que je l'ai étudié, en tout cas à partir de mon enquête ethnographique, on peut considérer que y a une certaine diffusion quand même d'idées égalitaires en son sein. Avec un premier indice qui est celui donc non seulement de la multiplication de dispositifs visant l'égalité professionnelle, mais aussi l'acceptabilité de ces dispositifs du côté des individus masculins. Ce qui veut pas dire en fait que les membres, les professionnels masculins de ce milieu vont être force motrice, on va dire, mais en fait critiquer ouvertement ces dispositifs de lutte contre les violences, par exemple, ou visant à davantage de parité dans les programmations, ne fait plus partie ou ne fait pas partie, en tout cas, des réactions habituelles que je retrouve sur le terrain. Et d'ailleurs, s'opposer en tant qu'homme de manière trop directe à ces dispositifs peut leur être fortement reproché par les collègues, hommes comme femmes, puisque ça va les catégoriser comme voilà des machos qui finalement ne voudraient pas l'égalité professionnelle. Et un autre indice concerne l'identification du féminisme très forte que j'ai retrouvée du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes qui déclarent en entretien, alors avec tout un sur un continuum, hein, mais soit être féministe, soit je cite être se considérer comme des alliés, se considérer comme en train de se déconstruire, en reprenant tout un vocable en fait plutôt issu des sphères militantes. Mais du coup, dans ce contexte très particulier, l'hétérosexualité jugée viriliste d'une partie du public, elle va alors servir en contre et permettre de valoriser cette masculinité dominante dans le milieu. Puisque le public va être, certains hommes du moins du public vont être considérés comme à éduquer, pour reprendre un terme que j'ai retrouvé à nouveau fréquemment sur le terrain. Donc là, j'ai un exemple parmi tant d'autres issus de mon carnet de terrain. Donc je suis en train de discuter avec un organisateur d'une soirée, également DJ, et sa compagne. Et en fait, on discute parce qu'elle a expliqué plutôt dans la soirée s'être fait donc emmerder par un homme du public. Et lui va se lancer en fait dans une tirade extrêmement longue sur le fait que les soirées techno sont beaucoup trop ouvertes, qu'il faut éduquer les mecs, c'est un problème d'éducation. Les mecs habitués aux soirées techno n'agresseraient pas les meufs. Prenons exemple d'une petite soirée en comité restreint entre gens bien finalement, hein, où il n'y aurait eu aucun problème. Alors, la division entre ce qui est désigné localement comme mainstream et underground, c'est un lieu commun dans le monde de l'art des musiques électroniques, puisque les frontières de cet espace sont poreuses et elles sont aussi l'enjeu de luttes définitionnelles. Et en fait, pendant l'enquête, la question de la prise en charge des violences, elle s'est imposée comme une nouvelle manière de dire la frontière, puisque dans cet espace, dans cet extrait, pardon, c'est bien la diffusion auprès d'un large public qui est pointée comme mettant à mal les vertus supposément égalitaires de ce milieu. Conjointement, les hommes du public qui sont considérés comme de potentiels agresseurs, ils peuvent être catégorisés en termes de classe, d'âge ou de race, en fonction de ce qui est discible politiquement dans chaque espace. Donc là, par exemple, je vais faire un tour en loge, donc deux femmes discutent de l'ambiance générale. Manon donc, trouve qu'il y a plus de mecs que d'habitude aux soirées, et Claire précise, il y a quand même beaucoup de cis mecs blancs casquettes à l'envers, qui ne connaissent pas la techno. Donc, j'ai assisté à tout un ensemble de catégorisations comme ça indigènes sur le terrain, avec ici, je fais quand même la petite précision parce que je trouve ça intéressant, le fait de préciser blanc qui fonctionne un peu comme une manière de se prémunir d'accusations de racisme dans cette catégorisation des masculinités en jeu. Alors, je vais passer sur cet extrait pour peut-être conclure. Enfin, c'est un extrait juste pour montrer que certains enquêtés masculins, justement, donc qui raccrochent la masculinité dévalorisée à la question de la jeunesse, souvent en viennent à relire quand même lors de lors des entretiens cette question à l'aune de leur propre parcours biographique. Voilà, je pourrais en discuter la question de l'âge précisément lors de la discussion. Toujours est-il que ces différentes mises à distance, elles concernent donc des figures masculines qui seraient présentes dans le monde de l'art en premier lieu, c'est bien ça qui est important, pour rencontrer des partenaires ou, sur le versant des violences, pour agresser sexuellement des femmes. Mais en fait, ce point, il ne signale pas l'absence d'abord d'échanges de nature sexuelle dans les clubs, y compris du côté des professionnels et des artistes. Il ne signale évidemment pas non plus l'absence de violences fondées sur le genre dans cet espace. De nombreux enquêtés témoignent d'ailleurs de violences qu'elles ont subies au travail, que ce soit de la part de membres du public, de techniciens, d'autres collègues artistes, organisateurs de soirées, etc. Mais plutôt, ces éléments, ils indiquent l'intégration par la masculinité électroniste dominante, à un instant T, dans cet espace, de la question des violences fondées sur le genre, notamment, et plus largement, de la question égalitaire, dans un contexte inédit de diffusion de ces normes et de ces idées dans cet espace professionnel. Et plus largement, ces mises à distance d'une forme envisagée comme viriliste, voire violente d'hétérosexualité, elles témoignent d'utilisation, pour citer Sylvie Octobre, des formes d'altérisation du sexisme. C'est-à-dire qu'on va renvoyer en fait ces agissements dans un en-dehors masculin. Donc ça peut être le public dit non éduqué, les DJ amateurs, les DJ qui sont esthétiquement en marge du monde de l'art, les soirées qui seraient réputées trop ouvertes, les soirées qui seraient organisées dans des espaces périphériques vis-à-vis des logiques professionnelles. Ce qui participe à essentialiser certaines catégories d'hommes comme étant intrinsèquement violents ou inégalitaires à l'égard des femmes. S'opère en retour donc une distinction positive de cette masculinité valorisée et valorisante, qui, outre finalement donc cette hiérarchisation, risque finalement de rendre aussi encore plus difficile et complexe les prises de parole et les dénonciations de violence quand elles concernent en fait ces individus qui sont valorisés, insérés professionnellement, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop longue.